Chapitre 3e, Barbara Hare. Westline était jadis une ville de quelque importance aux yeux du moins de ses habitants. Ce n'était ni une cité manufacturière, ni le siège d'un évêché, ni le chef-lieu d'un district, et cependant, elle jouissait du privilège de se faire représenter par deux députés à la Chambre des communes. De plus, elle possédait un marché ainsi qu'un prétoire, vaste salle située au-dessus même des halles, et où les magistrats se réunissaient pour rendre la justice. À l'est de la ville, en dehors des barrières, se trouvaient échelonnés sur la route bon nombre de propriétés particulières, séparées les unes des autres, et du milieu desquelles s'élevait gracieusement le clocher de Saint-Jude, l'église la plus fréquentée par les hautes classes de la société. Un quart de lieue environ de cet emplacement était situé le superbe domaine de Eastline. Le voyageur, pourvu toutefois qu'il fût à cheval ou en voiture, pouvait, soit en s'haussant sur les étriers, soit en montant sur la banquette, apercevoir par-dessus la haute muraille qui enfermait cette propriété le vaste parc avec ses pelouses, ses allées serpentant à travers des touffes de verdure et ses chênes séculaires sous l'ombrage desquels se reposaient en été les cerfs et les chevreuils. Parvenu à l'angle du mur d'enceinte, on se trouvait en présence de deux petits pavillons placés l'un vis-à-vis de l'autre à quelques mètres de distance et réunis ensemble par une grille élégante. C'était la grille d'entrée, celle qui donnait accès au château. Ce château, sans être très remarquable, réjouissait cependant la vue, rien que par sa façade coquette et gracieuse. Non loin de là, mais avant d'atteindre Eastline, se trouvait, du côté gauche de la route, une maison isolée. Elle était construite en briques rouges, et devant elle s'étendait une plateforme gazonnée et ombragée par une double rangée d'arbres. On y arrivait par un large couloir garni de dalles, faisant face à un bel escalier et ayant de chaque côté une salle de réception. Cette maison, connue sous le nom de Bocage, appartenait à Richard Hare, juge au tribunal de première instance. La chambre qui se trouvait à gauche en entrant était une sorte de boudoir où se réunissait habituellement la famille. L'autre était le salon dont on ne se servait que pour les grandes occasions et dont les meubles, tous rangés en ordre, étaient soigneusement et scrupuleusement recouverts de housse. Le juge avait trois enfants, deux filles et un garçon. Anna, la plus âgée des deux filles, s'était mariée de bonne heure et Barbara, la plus jeune, n'avait guère plus de 19 ans. Quant au fils, l'aîné de la famille, il se nommait Richard, et nous aurons bientôt l'occasion d'en parler. Dans le boudoir auquel nous venons de faire allusion, sur un large fauteuil garni de coussins, et placé près de l'âtre où cependant ne flamboyait aucun feu, se trouvait assise une femme au teint pâle, au visage amaigri et tiré, c'était Madame Hare. Bien que l'on fût alors au mois de mai, cette dame était enveloppée de châle et de fourrure, et malgré cela, elle grelottait encore jusqu'à faire claquer ses dents. Près de la fenêtre de cette même chambre, se tenait une jolie blonde aux yeux bleus, à la carnation vive et colorée. Cette jeune fille, qui n'était autre que Barbara, avait à la main un livre qu'elle feuilletait machinalement, avec insouciance, comme si d'autres pensées l'absorbaient entièrement. « J'ai si froid !» dit en frissonnant la pauvre mère. « Je voudrais bien qu'on allume le feu. Barbara, mon enfant, » ajouta-t-elle d'une voix suppliante, « ne puis-je obtenir cette faveur ?» C'est ainsi que parlait d'ordinaire Madame Hare. Mariée depuis près de 24 ans, jamais elle n'avait osé exprimer une volonté ni donner un ordre. Humble et soumise, aimante et douce, elle consultait avant tout les désirs de son mari et se courbait même devant les caprices et les moindres fantaisies de ses enfants. La touchante requête de Madame Hare fut cette fois accordée sur le champ. La servante apporta des fagots et un instant après, la pauvre malade, les pieds sur les chenets, put réchauffer sa vieillesse prématurée à l'ardeur d'un bon feu dont les flammes vagabondent, les champs de ci, de là, les parois du foyer, lui communiquaient peu à peu leur bienfaisante influence. Barbara la laissa seule et descendit la hâte l'escalier qui menait au jardin. Elle semblait en proie à une vive anxiété. Arrivée près de la grille qu'elle avait vue sur la grande route, elle s'appuya contre les barreaux, et le front dans ses mains, elle demeura quelque temps silencieuse, prêtant l'oreille au moindre bruit. Tout autour d'elle respirait la paix et la tranquillité. C'était une nuit douce et calme, la lune brillait dans le ciel étoilé. « Il me tarde de le revoir, » murmura-t-elle tout bas. La vie sans lui m'est insupportable. Mais que peut-il donc faire là-bas? Pourquoi ne revient-il point? » Alors, croyant entendre dans le lointain comme le bruit d'une personne qui marche à grands pas, elle se réfugia aussitôt derrière un arbre et s'y blottit de manière à n'être pas vue. Bientôt ce bruit devint plus clair et plus distinct. À l'émotion qui la transportait, il était facile de comprendre qu'elle venait de reconnaître le son des pas. Ses joues se colorèrent subitement, son regard s'anima et son cœur battit avec force. Se dressant sur la pointe des pieds, elle jeta un coup d'œil rapide et prompt sur la route. C'était bien lui, celui qu'elle aimait. Il s'avançait à la hâte vers elle. Un moment l'idée lui vint d'aller à sa rencontre, mais non, elle ne l'osait point, car jamais elle ne lui avait révélé son amour. Et lui, sans se douter qu'il y avait là dans l'ombre et sous le feuillage deux yeux qui l'épiaient, continuait sa marche, redoublant de vitesse. Dès qu'elle eut compris qu'il ne venait point la voir et qu'il allait passer la maison sans y entrer, son cœur se serra douloureusement, et alors spontanément, sous l'impulsion du moment, elle éleva la voix et l'appela par son nom. Monsieur Carlyle, car c'était lui, se retourna vivement, et apercevant Barbara, debout près de la grille, il alla droit à elle. « Comment, c'est vous ? » dit-il avec surprise. « Êtes-vous la piste des voleurs ou des braconniers ?» Pour toute réponse, Barbara entrouvrit la grille et lui serra la main, domptant enfin son émotion. « Depuis quand êtes-vous de retour ?» lui demanda-t-elle. « J'arrive à l'instant par le train de 8 heures, » répliqua Carlyle. « Je ne suis pas encore allé chez moi. »« Vraiment ? Et que va penser Cornélie ? Je ne sais pas. Avant de retourner à la maison, il faut que j'aille trouver Beauchamp. Je ne puis donc entrer ici ce soir. Si vous allez chez Beauchamp, vous y rencontrerez mon père ainsi que M. Reynard. Oh, alors je n'irai point, car c'est pour affaire, et il est important que je le voie seul. Je remettrai ma visite à demain. » En parlant ainsi, Carlyle pénétra dans le jardin, referma la grille, et ayant offert son bras à la jeune fille, tous deux s'acheminèrent vers la maison. Bien que Carlyle n'attachât aucune importance à cette promenade nocturne, et qu'il eût offert son bras sans arrière-pensée, Barbara ne s'en croyait pas moins au paradis. « Pourquoi êtes-vous parti si subitement ? » dit-elle. « Vous n'êtes pas seulement venu nous faire vos adieux. Une affaire imprévue est de la dernière importance. » « Cornélie, interrompit-elle, s'imaginait que vous ne resteriez qu'un jour. « Oui, mais j'étais retenu à Londres. Je vous en rapporte même un léger souvenir. « Comment ? Que voulez-vous dire ? » balbutia-t-elle en tremblant, le cœur palpitant de joie. « Tenez, » reprit-il en ouvrant un petit écrin qu'il venait de tirer de sa poche, « c'est une chaîne. » Et en la déroulant, il la passa à son cou. Barbara demeurait stupéfaite. Son cœur battait si fort qu'on eût pu en compter les pulsations. Elle voulut parler, le remercier, mais elle ne trouvait point de paroles capables d'exprimer ce qu'elle ressentait. Tous deux rentrèrent dans la maison. Madame Hare était encore assise devant la cheminée. « Ma mère !» s'écria Barbara en lui montrant le cadeau qu'elle venait de recevoir. « Vois donc ce que m'a donné Archibald !»« Quelle jolie chaîne !» fit Madame Hare. « En vérité, Carlyle, c'est trop, vous la gâtez. »« Oh, ce n'est rien !» reprit l'avoué avec indifférence. « Je l'ai acheté à cause du médaillon qui s'y trouve suspendu. »« Car, » ajouta-t-il à voix basse, « j'ai pensé, Barbara, que vous y enfermeriez peut-être cette mèche de cheveux à laquelle vous attachez un si grand prix. »« Qu'est-ce à dire ?» demanda Madame Hare, qui avait tout entendu. Carlyle jeta autour de lui un regard inquiet, comme s'il craignait que quelqu'un ne fût là pour surprendre son secret. « Je veux parler, » reprit-il en chuchotant, « des cheveux de Richard, ou du moins de cette boucle qu'en possède Barbara et qu'elle conserve si précieusement. » Madame Hare, en proie à une violente douleur, s'affaissa dans son fauteuil. Ses paroles venaient de réveiller en elle les plus cruelles et les plus pénibles réminiscences. « Mon enfant, mon pauvre enfant, » murmura-t-elle en donnant libre cours à ses larmes. « Ah oui, » ajouta-t-elle d'un ton navrant. On s'étonne de me voir toujours triste et abattu. Mais ce qui me tue, Carlyle, ce qui paralyse ainsi mon cerveau et mon corps, c'est cette horrible affaire. » Une vive émotion s'était emparée de Carlyle, et c'est en vain qu'il cherchait quelque parole qui puisse apporter un soulagement aux angoisses de cette malheureuse mère. C'était une scène déchirante, et pour y mettre un terme, Carlyle crut devoir se retirer. « Allons, du courage, » dit-il à la pauvre femme. « Du courage, » répéta-t-il en serrant affectueusement dans les siennes ses mains pâles et amaigries. Barbara voulut l'accompagner jusqu'à la porte. « Barbara, » lui dit-il au moment de prendre congé d'elle. « Votre mère me paraît ce soir plus malade et plus agitée que d'habitude. »« Vous avez raison, » répliqua la jeune fille. « Cela tient à ce qu'elle a passé une mauvaise nuit. »« Elle a eu un rêve, des visions étranges, et tout cela a contribué à exciter ses nerfs et à lui donner la fièvre. »« De plus, mon père s'est emporté contre elle et lui a reproché de n'avoir pas assez d'empire sur elle-même et de s'écouter trop. »« Nous n'avons pas osé lui parler du songe, un songe affreux. » ajouta-t-elle en frissonnant et en se penchant vers Carlyle. Il s'agissait encore de meurtre. Vous savez que ma mère demeure de plus en plus convaincue que Bethel est, sinon le vrai coupable, du moins l'un des instigateurs du crime. Or, dans son rêve, elle a cru voir cet homme avec... Avec Hallie John ? Ajouta vivement Carlyle. Avec Hallie John, répéta Barbara toute tremblante. Mais vous ne devriez point la laisser s'impressionner de la sorte. Il faudrait combattre de telles idées et tâcher de la distraire. Votre mère a besoin de grands soins, Barbara. Sa santé me paraît bien chancelante. » Au moment de se séparer, Barbara saisit avec effusion la main de Carlyle. « Archibald, » soupira-t-elle avec tendresse et en lui montrant la chaîne. « C'est à peine si je vous ai remercié. Et maintenant encore, je ne sais comment vous exprimer ma reconnaissance. »« Enfant, » fit l'avoué, « cela n'en vaut pas la peine. Allons, bonsoir, et ne parlons plus de cela. » Et se disant, il arrondit sans y penser ses bras autour du cou de la jeune fille, la baisa au front et disparut. Barbara venait d'éprouver comme un frémissement dans tout son être. Dès qu'elle se vit seule, elle donna un libre cours à son émotion. C'était le premier baiser, le seul que Carlyle lui ait jamais donné. Elle le sentit circuler dans tout son être et lui brûler la poitrine. Folle, éperdue, le cœur encore gonflé d'ivresse, elle arriva près de sa mère, qui remarqua son agitation sans pouvoir cependant s'en expliquer la cause. « Barbara, » lui dit Madame Hare, « voudrais-tu bien sonner pour qu'on apporte la lampe ? Tu pourras alors te remettre à l'ouvrage, mais ne ferme pas les volets, j'aime à contempler la lueur de la lune. » Et Barbara, tout en accomplissant machinalement ce que lui demandait sa mère, demeurait pensive et absorbée en elle-même. Elle alla s'asseoir à l'écart près de la fenêtre, et là, le menton dans sa main, le coude au genou, elle se prit à rêver. « Oh, Archibald, Archibald !» pensait-elle tout bas. « Pourquoi, en me donnant cette chaîne, n'avez-vous pas ajouté que vous m'aimiez ?» Carlyle, il est temps de le dire, avait été toute sa vie l'intime ami de la famille Hare. Il avait vu grandir sous ses yeux les deux sœurs Barbara et Anna, et il les avait toujours traitées comme des enfants. Plus d'une fois même, se mêlant à leur jeu, il s'était disputé avec elles pour se réconcilier aussitôt. S'il se sentait une prédilection pour l'une plus que pour l'autre, c'était à coup sûr Anna qui lui inspirait. Le caractère doux et égal de cette dernière la faisait ressembler à sa mère, tandis que Barbara, par son attachement obstiné à ses goûts et à ses opinions, tenait plutôt du père. 10 heures venaient de sonner à la pendule. Barbara s'était levée, et debout près de la fenêtre, elle avait appuyé son front brûlant sur l'une des vitres. Une lampe, placée à quelque distance derrière elle, faisait admirablement ressortir sa silhouette, et du dehors, l'on eût pu apercevoir l'expression toute rêveuse de sa physionomie. À quoi donc songeait-elle? Aux chimères les plus enivrantes que puisse enfanter une imagination surexcitée et presque en délire. Elle se voyait déjà la femme de Carlyle, de cet homme qu'elle adorait, et que tout le monde vénérait dans West Lynne. « Il m'aime, » pensait-elle, « je n'en puis plus douter. Ne m'a-t-il point donné ce médaillon? Ne m'a-t-il pas embrassé ?»« Mais, » reprenait-elle tout bas, « s'il m'aime, pourquoi ne me le dit-il pas? Pourquoi ?» Et du coin de sa paupière, une larme roula sur le duvet de sa joue, car un terrible doute s'était élevé dans son âme. Tout à coup, elle tressaillit et ses yeux, démesurément ouverts, se fixèrent avec terreur du côté de la pelouse. Qu'était-ce? Que venait-elle d'apercevoir? Là, devant elle, cachée dans des touffes de feuillage, une ombre se mouvait avec crainte, une ombre errante, qui allait et venait, et lui faisait de la main des signes réitérés. Épouvantée, elle recula d'un pas. Elle voulut pousser un cri, appeler au secours, mais les parois de son gosier se collèrent, et la voix lui manqua. Et la sombre et mobile silhouette se dessinait toujours par-dessus les arbustes du jardin. À la hâte, Barbara sortit de la chambre, descendit l'escalier, et se plaçant dans l'encoignure de la porte d'entrée, elle contempla de nouveau cette vision sinistre. Le fantôme avait évidemment suivi tous les mouvements de la jeune fille, car il renouvela ses gestes, et brandissant avec vivacité son chapeau, il semblait la supplier de venir à sa rencontre. Barbara Hare n'était point d'une nature craintive ou pusillanime. Au besoin, elle savait affronter un danger. Mais cette apparition la glaçait de terreur et jetait le trouble dans son cerveau. Enfin, prenant subitement une résolution, elle retourna au salon, y prit son châle, qu'elle jeta négligemment sur ses épaules, et annonça à Madame Hare qu'elle allait attendre au jardin le retour de son père. Avant de partir, elle jeta encore un coup d'œil furtif vers la pelouse. L'être mystérieux se dressait à la même place, droit et immobile comme une statue. Le cœur serré mais palpitant, les oreilles pleines de sons étranges, Barbara Hare s'élança tout effarée hors du boudoir et marcha droit au-devant du spectre, se demandant avec effroi si ce n'était pas là peut-être la réalisation du rêve sinistre qu'avait eu sa mère.